force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as peur de la maladie dont tu souffres. Tu as peur parce que les médecins t'ont dit que cette maladie ne peut pas se soigner ici en Afrique et tu n'as rien. Regarde à Jésus, souviens-toi de cette femme-là qui était atteinte d'une perte de sang. Elle a dit, si je touche les pans de la robe de Jésus, je serai guérie. Ne sois pas désespéré, tu vas vivre encore longtemps et tu proclameras les merveilles du Seigneur. Il faut refuser cette voix qui te dit que tu mourras. Tu vas dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Réveille-toi, invoque le nom de Jésus, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, versets 29 à 39. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 1, 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs. » dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Amen. Quatre vérités se dégagent de ce texte. Voici la première vérité. Toutes ces vérités tournent autour du ministère de Jésus, qui est un ministère modèle. Première vérité. Nous devons apprendre à exercer le ministère de compassion. Jésus exerçait le ministère de compassion. Un homme de compassion, c'est quelqu'un qui a pitié de ceux qui souffrent. Il visite, il soulage ceux qui souffrent. Il soulage les malades. Il visite les malades. C'est un ministère. C'est aussi un ministère que l'Église, que les chrétiens doivent exercer. Vous voyez, lorsqu'il est sorti de la synagogue, Jésus est parti visiter la belle-mère de Pierre qui était malade. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Lorsque tu ne vois pas un frère, une sœur venir au culte, ça fait un mois, ça fait deux mois. Il ne faut pas dire, bon, il ne faut pas seulement le critiquer, il ne vient pas, voilà, il a dévié ou il a dévié. Tu ne sais pas s'il a un problème. Donc, il faut aller lui rendre visite pour connaître quel est son problème. Peut-être qu'il vit des moments difficiles, vous voyez. La belle-mère de Pierre n'est pas venue dans la synagogue. Au sorti de la synagogue, Jésus est parti pour lui rendre visite. Il est parti rendre visite à Pierre et il s'est rendu compte que sa belle-mère était malade. Vous voyez, le verset 29 dit, en sortant de la synagogue, il s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Donc vous voyez, c'est ça l'esprit de famille. Tu n'as pas vu ton frère venir, il faut aller lui rendre visite. Et on dit, au verset 30, la belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle le servit. Vous voyez, et je pense que même le fait de visiter même la personne qui est malade la réconforte. Et ça contribue beaucoup à sa guérison. Donc, nous devons apprendre à visiter les malades, prier pour eux, prier avec eux. Deuxième vérité, Jésus a le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Vous voyez? Et il nous a donné aussi le pouvoir de le faire. Nous devons apprendre à prier, à guérir les malades. Nous ne le faisons pas par notre propre force, mais c'est au nom de Jésus. Vous voyez, souvent les deux sont liés. Les maladies, les démons. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend qu'il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Ce n'est pas mauvais d'aller voir un médecin. Je vais parler à un monsieur. Écoute-moi bien. On t'a dit que tu souffres du diabète et on t'a mis sous traitement. Ça fait longtemps. Et tu vas au petit besoin plusieurs fois la journée. Et tu sens comme si ta situation ne s'améliore pas. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un médecin qui est au-dessus des médecins. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est capable de te communiquer la guérison. Il est capable de te guérir totalement. Crois en lui. Oui, mon ami, tu as trompé ta femme depuis longtemps. Tu as une deuxième femme cachée quelque part. Écoute-moi bien. Mets ta vie en règle avec Jésus. Donne-toi totalement à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Et tu verras, quelque chose va se passer. Tu vas témoigner, attester que Jésus, il a le pouvoir de guérir. Là où les médecins humains sont limités, ne peuvent rien. Jésus, lui, il est illimité. Il a le pouvoir de guérir les malades. Il a le pouvoir de chasser les démons. Troisième vérité. Jésus passait du temps aussi dans la prière, vous voyez? Donc, lorsque nous sommes dans le ministère, il faut maintenir l'équilibre entre le temps de ministère et le temps de prière personnelle. Vous voyez? C'est dangereux que nous passions tout le temps en train de prêcher, en train d'enseigner. Je vais parler à un prophète, écoute-moi bien. Ça fait longtemps, il y a quelques jours là, tu as fait des séminaires, tu es invité par-ci, par-là. Et tu passes beaucoup de temps en train de chasser les démons. Et parfois, tu es même épuisé physiquement. Tu es épuisé même spirituellement. Tu as besoin parfois de te retirer, de te ressourcer. Est-ce que tu comprends? C'est ce que Jésus faisait. Chaque matin, quand il faisait encore sombre. Pourquoi? Parce que chaque journée que nous avons, c'est un combat. C'est tôt le matin où on se réveille pour puiser dans les bontés infinies de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je vais parler à une dame. Écoute-moi bien. Tu es souvent embrouillé. Pourquoi? Parce que tu te réveilles tard et tu n'as même pas le temps de prier et tu commences à apprêter les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école et puis tu commences avec des palabres. Non! Il faut que tu apprennes à te réveiller tôt le matin. C'est pourquoi nous avons OSB, pour que le peuple de Dieu apprenne à se réveiller tôt le matin, à commencer la journée avec le Seigneur. Ce n'est pas bon de commencer la journée avec palabre. Je vais dire à quelqu'un, tu fais palabre à ton mari à cause de problèmes d'argent. Oui, c'est vrai que ce problème est là. Mais il faut que tu saches prier pour que Dieu lui-même touche le cœur de ton mari. Ce n'est pas bon de commencer la journée avec les palabres. Il faut commencer la journée avec Jésus. Il faut commencer la journée avec la prière, avec la louange, avec l'adoration pour puiser la grâce divine. Est-ce que tu comprends? Jésus allait chaque matin pendant qu'il faisait encore sombre dans un lieu désert. Ça suppose que pour que la prière là puisse être efficace, il faut apprendre parfois à être isolé. Là où il n'y a pas de bruit, tu vois, pour que tu puisses parler avec Dieu, pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi, des fois, il est même important de te retirer, d'aller en retraite un peu, dans un endroit à l'écart, pour que tu passes du temps avec Dieu, pour que tu écoutes Dieu, pour que tu parles à Dieu. Troisième vérité. Quatrième vérité. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Vous voyez, il était un homme équilibré. Il exerçait la compassion, il guérissait les malades, il avait un temps de prière personnelle. Et il prêchait la bonne nouvelle. Vous voyez? Donc, parce que lorsque tu passes du temps à la prière, tu te ressources, tu as maintenant la capacité d'aller exercer le ministère, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, c'est ça le ministère de Jésus. Nous aussi, nous devons apprendre à prêcher la bonne nouvelle pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent entendre l'évangile. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que les gens puissent être sauvés, il faut qu'ils croient en Jésus. Et pour qu'ils croient en Jésus-Christ, Il faut qu'ils puissent entendre l'évangile. Et pour qu'ils entendent l'évangile, il faut qu'il y ait des prédicateurs, des gens qui prêchent l'évangile. L'évangile, ce n'est pas parler de notre église pour dire aux gens, venez dans notre église, nous avons le plus grand temple, notre pasteur prêche bien. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas dire, suis Jésus et puis viens et tu vas te marier. L'évangile, c'est proclamer la personne de Christ qui est mort sur la croix de Golgotha, qui est ressuscité d'entre les morts et qui peut sauver les vies des gens. Dire aux gens, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons dire aux gens qu'ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin de se repentir, ils ont besoin de croire en celui-là qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Lorsqu'ils croient en lui, ils seront sauvés. Sans Jésus, l'homme ne peut pas être sauvé. Celui qui croit en lui ne vient point en jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. Nous avons besoin de prêcher l'évangile. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as besoin aussi de prêcher l'évangile. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas évangéliste, même si tu n'es pas apôtre, le Seigneur t'appelle à prêcher l'évangile. Même au niveau de ton bureau, aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui viendra te voir pour te poser un problème. C'est l'occasion de lui parler de Jésus. Même en quelques minutes, lui dit tout simplement que Jésus l'aime. Lui dit que Jésus est mort pour lui sur la croix de Golgotha. C'est aussi ça l'évangile. Oh, que Dieu nous aide afin que nous puissions suivre l'exemple de Jésus. Nous allons le louer, nous allons le célébrer en chantant ces cantiques. C'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Yeah, elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Yeah, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Chômage. Il règne. Tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Il règne. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Stérilité. Il règne. Tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Il règne. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. gloire à Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, blocage. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle, autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Gloire au Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Il est incomparable. Il est sans pareil. Il mérite nos louanges. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions élever nos voix pour bénir le Seigneur. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. La force pour la prière. OSP. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Oh, sois béni, toi, le Seigneur de gloire, toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu ressuscité. Nous te bénissons en ce moment et nous te rendons toute la gloire. Toi, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi nous t'élèvons, toi, notre Seigneur. Oh, nous te glorifions, toi, le Dieu digne d'être célébré, magnifié. Oh, sois béni, toi, le Dieu fidèle. Oui, tu es fidèle à tes promesses. Tu es celui qui accomplit tes promesses avec fidélité. C'est pourquoi nous t'élèvons en ce moment. Nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, le Dieu vivant, le Dieu redoutable et la vie éternelle. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur. Toi, le Dieu qui nous aide à rester obéissant à toi afin d'expérimenter ta fidélité jour après jour, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons réellement nous accrocher à toi et obéir à tes instructions. Fais-les dans nos vies pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si vous avez des témoignages sur les bienfaits de cette émission, veuillez nous contacter où que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à l'intérieur du pays, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Angleterre, au Maroc, partout où vous êtes en Ukraine. Nous sommes conscients que vous nous suivez, que cette émission vous fait du bien. Nous voulons avoir un retour et Dieu vous bénira encore davantage. Bientôt, nous aurons notre rencontre OSB d'Axon de grâce où chacun de nous va venir dire merci à Dieu. Si vous ne pouvez pas venir et que vous êtes loin, vous pouvez envoyer une offrande. Contactez-nous par notre site web ou par Facebook. Nous allons vous dire comment vous pouvez faire parvenir votre offrande de soutien à cette radio qui vous fait du bien. Notre site web, c'est www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 1, verset 29 à 39. Ce passage nous montre que nous devons apprendre à exercer le ministère de compassion qui consiste à visiter le pauvre, le malade, les orphelins. Jésus est parti visiter la belle-mère de Pierre qui était malade. Il a touché cette dernière, elle était guérie. Nous devons apprendre donc à faire ce ministère. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne l'occasion d'exercer ce ministère de compassion, surtout pendant cette période de fête, de visiter quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un qui est malade, de visiter quelqu'un qui est malade, de partager peut-être la nourriture avec quelqu'un qui n'a rien à manger. C'est aussi ça le ministère de compassion. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. La force pour la prière. OSP. Très excellent Père, c'est en toi que mon âme se confie. C'est de toi que vient mon salut, toi qui es mon rocher, toi qui es mon libérateur, toi qui es ma haute retraite. Ce matin, je te rends grâce, je te bénis et je te glorifie. Je te bénis et je te glorifie pour tous tes bienfaits. Je te bénis et je te glorifie pour ton assistance et pour tous les soins à mon égard. Ce matin, Père éternel, je me tourne vers toi et je demande, Père, qu'au travers de ton Esprit Saint, tu me permettes toujours d'exercer le ministère de la compassion. Le ministère de la compassion qui demande d'avoir le soutien envers les autres, l'assistance envers notre prochain, apporter le secours à ceux qui sont abattus, exercer l'hospitalité, apporter le soutien à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin et je demande qu'en cette fin d'année, le ministère de la compassion soit une réalité dans nos vies à tous en tant qu'enfants de Dieu. Qu'en cette fin d'année, nous puissions rendre visite à ceux qui en ont besoin. Nous puissions donner du cadeau à ceux qui sont indigents et donner également du cadeau à ceux qui ne le sont pas. Exercer l'hospitalité, manifester de la bonté au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je prie au Père éternel et je demande que cet esprit de compassion soit une réalité dans nos vies. Que tout blocage à la manifestation du ministère de la compassion soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu fais de nous de véritables enfants de Dieu par l'exercice du ministère de la compassion. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus, oui, il avait le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Oui, nous aussi, nous devons exercer ce pouvoir-là dans le nom de Jésus. Quand tu vois que dans ta famille, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a ton fils, oui, qui traverse des moments difficiles, il connaît des moments de blocage injustifiés, il souffre de maladies bizarres, vous pouvez prier. Je vais demander à une famille, programmer une veillée de prière, oui, pour prier pour votre fils, pour prier pour votre fille, et vous allez appeler un homme de Dieu. On va prier pour cette maladie, on va prier pour chasser ces démons, cette menacer cette maladie et elle sera guérie et vous témoignerez de la puissance de Dieu. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie pour ceux qui sont malades. Peut-être que c'est toi-même, peut-être que c'est un parent, c'est un ami. Prie au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a un esprit qui fatigue votre famille, qui fatigue votre vie. Tu vas prier pour les chasser loin de toi au nom de Jésus. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. La force pour la prière. Nous savons en qui nous avons cru, qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui nous a affranchis. C'est toi, notre Père, Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Nous avons foi ce matin que par ta parole, toute maladie va prendre la fuite dans le corps de tes enfants. Et Jésus-Christ, ton Fils, nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Nous avons foi, Seigneur. Nous avons foi parce que notre Dieu, notre Père, tu nous as aussi donné le pouvoir de guérir toute infirmité, toute maladie et de chasser les démons. Par le pouvoir de Dieu, nous conjurons, nous adjurons, nous ordonnons à tous ces maux, au nom de Jésus-Christ, de libérer les corps des enfants de Dieu, nos enfants malades, nos femmes malades, nos maris malades, nos connaissances qui sont malades. Nous prophétisons ce matin la guérison dans le nom de Jésus. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit et nous brisons l'autorité de ce mal. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, soyez libérés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons maintenir l'équilibre entre le ministère et notre vie personnelle de prière. Mon ami, je vais parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu n'arrives même plus à prier convenablement. Tu dis que tu es très pressé, dangereux. Je vais parler à un couple. Regarde, ces derniers temps, vous avez trop de problèmes de parole parce que vous n'arrivez même pas à prier ensemble. Quel est ce travail-là qui vous empêche toujours de prier ensemble? Hein, ma soeur? Lorsqu'il y a des prières à l'église, là, tu t'en vas. Tu vas veiller. Mais tu n'arrives pas à prier avec ton mari. Vous voyez, il y a une distance qui est en train de se créer entre ton mari et toi. Je vous demande cette semaine même, trouvez au moins une heure où vous allez prier ensemble. Il faut maintenir l'équilibre. Il ne faut pas seulement aller à l'église, aller à l'église, aller à l'église. Vous méprisez, vous négligez votre vie de prière. Jésus priait. Prie pour que Dieu te renouvelle, qu'il renouvelle ta vie de prière, qu'il renouvelle la vie de prière de votre famille, le culte familial, au nom de Jésus. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche. La force pour la prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'apprécions. Toi qui nous enseignais à prier et à prier sans cesse. Ce matin, je voudrais élever la voix vers la vie de ce couple qui depuis un certain temps n'arrive plus à prier. Ce couple pastoral qui n'arrive plus à prier à la maison, qui n'arrive plus à méditer avec sa famille, qui n'arrive plus à donner des conseils spirituels à ses enfants. Père, je prie que tu donnes à ce serviteur ce temps de pouvoir s'occuper en tant que chef spirituel, en tant que guide spirituel. Tu lui donnes donc le temps de s'occuper spirituellement, oui, de ses enfants, de sa femme, de mettre un temps à part pour que ensemble ils élèvent la voix, ensemble ils méditent. Seigneur, pour toutes ces personnes qui n'ont pas conscience de prier ensemble, que notre prière en ce jour les fortifie, leur donne le courage de prendre un jour de méditer, de prendre un jour pour prier ensemble pour leurs propres besoins, pour les besoins, oui, scolaires et étudiantins des enfants et pour que, oui, il y ait harmonie et paix qui étude dans le foyer. Père, je prie que tout esprit qui empêche ce couple de se mettre ensemble dans la prière, que cet esprit soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit qui s'est installé pour, oui, séparer, pour diviser, pour, oui, imposer sa vie, sa doctrine. Cet esprit est maudit. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits dans chaque famille. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que notre grand rendez-vous spécial OSP d'Action de Grâce à Abidjan, le samedi 26 décembre, à partir de 9h à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ce jour-là, on viendra danser, on viendra dire merci à Dieu avec notre offrande, on viendra écouter des témoignages et on va commencer, on va prier pour entrer dans l'année 2016 de manière triomphale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous rappelons que demain, nous aurons bonheur conjugal. Nous allons poursuivre notre thème « Comment éviter les mauvais départs pour réussir votre mariage. » C'est pour les célibataires. Ne manque pas parce que ces enseignements vont nous permettre d'ouvrir les portes du mariage et d'entrer dans un mariage avec la gloire divine. C'est libre à partir de 17h au CP. Au revoir et à la fois prochaine. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.